Ben, en fait, comme on a dit, c'est ça dépend le cas de la personne. Parce que là, c'est pas très clair. En réalité, si quelqu'un, même il est âgé, mais il est dans un cas, il peut pas jeûner à cause de l'âge ou à cause d'une maladie. Donc, y a pas de, il regarde pas ce que disent les gens, il regarde ce que Dieu a décrété. Si ça va l'unir, c'est haram. Mais si ça va pas l'unir, donc c'est pas haram. Si il a une difficulté insupportable, il ne jeûne pas. Si elle a une difficulté insupportable, ben il ne jeûne pas. L'enfant, on l'a vu, s'il peut supporter, ses parents doivent lui ordonner. À partir de 7 ans et quand il a la distinction. S'il peut jeûner, oui. D'accord? Voilà, il faut revenir aux règles en fait. C'est pas la vie d'un tel ou un tel. C'est chaque chose, c'est précis. La religion, c'est précis. Donc alors, on a vu. Donc. Il est permis de ne pas jeûner pour un voyageur qui fait un voyage permettant de raccourcir les prières de 4 à 2 raka'a. En fait, par exemple, il est dans le voyage, il part, admettons, c'est le jeûne, puis lui, il part à Marseille. Sur le chemin, il est voyageur. Donc, le jour du départ, dans la journée, il jeûne, parce que c'est la journée, il jeûne. Mais. Il est sur le chemin, demain il est sur le chemin, il peut ne pas jeûner. Parce qu'il est toujours dans le voyage. C'est permis de ne pas jeûner, mais c'est mieux de jeûner si ça t'as pas de difficulté. Le voyage pour pas commettre du haram. Oui, bien sûr, on n'a pas cité toutes les conditions, mais quand le. Il ne va pas voyager pour braquer, par exemple. Oui, c'est sûr. Oui, c'est pas un voyage où il va faire des péchés. Comme bien sûr, que ce soit pour la prière ou le jeûne, pour que ce soit autorisé, il ne faut pas que ce soit un voyage où il va faire des péchés. D'accord? Donc, il a utilisé son voyage pour. voilà. Alors, il doit rattraper, bien évidemment. Il doit rattraper. Tout ce qu'on a raté, bien sûr. Donc, beaucoup de gens, ils posent la question toujours. Donc, chez les chefs, et tu rattrapes jour pour jour. Donc, quand est-ce qu'il y a le kafara? Donc, c'est quand qu'il a annulé chez les chefs, et donc on verra par le rapport conjugal. Sinon, le reste, il rattrape, même s'il a fait le grand péché de ne pas jeûner, il doit rattraper tous les jours qu'il a manqué. La prière, le jeûne, la zakat, tout ça, ils doivent être rattrapés. S'il a raté depuis la puberté, il doit rattraper. Il doit estimer, il doit rattraper. Il n'y a pas une autre solution. Il doit rattraper. Donc, ça fait partie des conditions du repentir. Donc, il doit rattraper ce qu'il a raté. Donc, il est aussi un devoir de procéder à l'observation du croissant de lune de Ramadan lors de la nuit précédant le 30e du jour de Charben. Alors, il faut l'observation. Bien sûr, c'est une condition, on a dit tout à l'heure, l'islam. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'islam, ce n'est pas valable de lui. T'as dit le 30e, c'est le 29e jour qu'on observe, le Non. soir. Oui, on a dit la nuit précédant Ouais. le 30e. Donc c'est le 29 au soir. Ouais. Donc, on a dit, c'est important de le rappeler, c'est que ce n'est pas valable de quelqu'un qui n'a pas la bonne croyance. Donc ça veut dire, si tu sais quelqu'un, il a une mauvaise croyance, qui se dit musulman, parce qu'il y en a malheureusement. Là, il y a une insulte de Dieu, il se moque de la religion au bled. L'année dernière, même On a vu des gens dans le pays musulman, ils s'énervent, ils insultent Dieu. Et ils croient que ça, ils rendent le jeûne, ils croient que c'est normal. En réalité, selon les quatre écoles, ben, il a annulé son jeûne. Il doit revenir à l'islam, il doit s'abstenir. Le reste de la journée, il rattrapait. Après le Eid. Donc il y a des gens, il fait l'apostasie, il continue. Il croit qu'il est dans... où il dit Astaghfirullah. Non, il doit dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Insulter Dieu, l'islam. Alors. Donc si tu connais quelqu'un, il a une mauvaise croyance, il fait partie des sectes qui ont des mauvaises croyances contraires à l'islam. Quelqu'un qui suit le wahhabisme ou quelqu'un d'autre qui il nie quelque chose de la croyance, c'est pas valable son jeûne. Celui-là, tu peux pas l'inviter, par exemple, ou aller... donc, ou aller à son invitation, soi-disant, et te dire, viens rompre le jeûne. Tu vas pas. Donc, tu vas pas. Tu vas, par exemple, le soir. On va dire... comme un dîner, le soir. Mais pas au pile, la rupture. Donc ça peut arriver. Tu vas pas à la rupture, tu vas au soir, tu fais comme un dîner, quoi. Parce qu'il y a une règle, on peut pas faire croire quelqu'un qu'il est sur la vérité alors qu'il est égaré. Ça, bien sûr, mais des gens, ils croient que tout est blanc ou tout est rose, comme on dit. Mais en réalité, Dieu dit dans le Coran, « وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْنَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » Allah dit dans le Coran, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais il a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui vont en enfer. Il a voulu des humains et des djinns qui vont en enfer. Et le prophète, il l'a dit, « سَتَفْتَلِقُ أُمَّةِ لَبِعْنَا سَبْعِينَ فَرَقَ كُلُّهَ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَ وَهِي الْجَمَعَ » La communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf une. C'est la majorité. Et des gens, ils suivent leur jugement personnel. Non, la religion, Dieu fait ce qu'il veut. Sayyidina Ibrahim, quand il est parti voir son père, il dit « Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin » Il a dit « Je vois que toi et ton peuple, vous êtes dans un profond égarement. » Il n'a pas dit « Oui, mais non, je pense à mon avis que t'es égaré. Il faut suivre la vérité. » Dieu a décrété des choses. Il faut les suivre. Alors, le jeûne de Ramadan devient obligatoire dans l'un des deux cas suivants. Donc, on a vu le hadith. « Soumou li ru'yatih wa aftirou li ru'yatih. Fa in ghumma alaykum fa akmilou iddata sha'ban 30 yawma. » Donc, ça veut dire jeûner à la vue du croissant et interrompre le jeûne, c'est-à-dire l'Aïd, à la vue du croissant. Donc c'est comme ça. Dieu a décrété des choses. Le Maghreb, il a décrété 3 rak'as. Si tu fais 17 rak'as, tu t'es fatigué, mais ce ne serait pas valable. Donc, il faut faire comme Dieu a dit. Le prophète, quelqu'un, il est rentré dans la mosquée, il a dit « Allahu Akbar ». Pensez, cet homme-là, il est venu à côté du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Idhhab wa salli fa annaka lam tusalli. Va faire la prière, tu n'as pas fait la prière 3 fois. Il n'a pas dit bah allez, choqué, tu as mis la bonne intention. On verra la prochaine fois. Non. Lui, il est rentré, il avait l'intention de voler, de faire du mal, il avait l'intention de faire le bien. Mais l'intention de faire le bien n'a pas suffi. On a le même. Ça ne suffit pas l'intention tout seul. Beaucoup de gens, ils te disent ah, le cœur. Allah dit dans le Coran, Inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, lui, il a vu le cœur. Sur tout cela, il va rendre des comptes. Il n'a pas dit certes le cœur seulement. Les actes apparents et l'intérieur, les deux, tu vas rendre des comptes en fait. Donc, le jeûne, Dieu a décrété, c'est comme ça, tu vois. Il ordonne ce qu'il veut, Dieu. Il a interdit ce qu'il veut. Il a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils. Donc Dieu a ordonné, tu observes. Si Dieu voulait, il aurait fait que Les mois s'épilent toujours 30. Dieu décrète ce qu'il veut. Dieu a fait comme donc épreuve, c'est que des fois c'est 29, des fois c'est 30. Il faut que tu observes. C'est obligatoire sur les musulmans. Ça s'appelle une obligation d'ordre communautaire, là. C'est-à-dire qu'il faut que dans la communauté, il y ait des gens qui observent pour confirmer les mois lunaires. Parce qu'il s'en suit des choses, comme la station Arafat, c'est avec le mois lunaire, l'Aïd de sacrifice, c'est avec le mois lunaire, l'Aïd de la fin du jeûne, le début du jeûne. La prière pour les enfants. Pour l'âge, etc. L'âge quand l'enfant il devient la distinction. Qu'il a 7 ans lunaires, en fait, etc. Parce que le prophète, il a ordonné de leur ordonner de faire la prière alors qu'ils ont 7 ans. 7 ans quoi, lunaire. Donc, Dieu a décrété des choses. C'est comme ça, la religion. Tu veux être gagnant, il faut suivre. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Taraktu fikum shay'ayni ma intamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada kitab Allahi wa sunnata nabiyyi. » Je vous ai laissé deux choses. Si vous y attachez, vous ne vous garerez jamais. Kitab Allah, le Coran, et sunnat al-Nabi, la tradition du prophète. Si tu t'attaches, mais si, comme on l'a dit tout à l'heure, tu suis un peu et un peu de ton avis. Beaucoup de nos jours, c'est comme ça. Un peu le Coran, un peu de son avis. Un peu par là, un peu par ci, par là. Comme beaucoup de gens qui disent, ah, moi je prends là, là, là, et puis je mélange. Il fait une shakshuka, il fait une nouvelle religion. Beaucoup, ils ont inventé des religions. Tu vois, moi, je regarde là, là, je fais partout, je me fais une idée. C'est pas comme ça la religion. Ce que Dieu a dit, tu suis pas, t'es perdant. Donc là, Dieu a décrété qu'il faut voir. Depuis des siècles, les musulmans, ils observent. Puis il y a des gens qui perturbent. Chaque année, ils font des erreurs. Tu dis, on avance. Tu veux pas savoir, on avance, il faut observer. Dieu a fait qu'il faut que tu attendes. Le prophète, il a dit, il faut attendre le dernier jour, 29. Là, ça tombe le mardi 15. C'est bien ça, mardi 15. Donc, mardi 15, d'après ce qu'on a observé, oui. Pas d'après le calendrier. Non, c'est mardi 15. Là, chaque mois, on observe. Le calendrier, c'est fait avec le calcul, c'est une estimation. Mais on observe chaque mois, il y en a des gens qui observent. Donc le 29, ça tombe ce mardi 15, après le coucher, on observe et on annonce aux gens. Aucune année, on s'est trompé, alhamdoulilah, parce qu'on suit la règle religieuse. Et les autres qui annoncent à l'avance, ils ont fait des erreurs, excusez-nous, il faut ceci et cela. Nous, on ne s'est pas trompé parce qu'on observe, on attend. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. C'est le 29. Au coucher, tu vois la lune. Dieu a mis des signes. Le soleil et la lune, c'est des signes de Dieu. Tu ne peux pas dire en avance, hey, la lune apparaît tel jour. Tu ne peux pas la programmer. Donc, il a dit, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلْ عَدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. C'est facile. Dieu a rendu facile la religion. Si l'observation est jeûnée, il faut compléter 30 jours. Les mois lunaires, c'est 29 ou 30. Donc soum li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30 yawman. Jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Si vous ne l'avez pas vu, poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours. Rapporté par qui? Bukhari et Muslim. C'est pas tel docteur, il a inventé un avis. Donc, alors, maintenant, beaucoup ils posent la question, donc, comment c'est confirmé? Ben, c'est sûr, si tu as vu toi-même, c'est confirmé pour toi. Tu ne veux pas démentir tes yeux. Tu ne dis pas, ah, j'ai vu avec mes yeux, mais j'attends la radio. Tu as vu avec tes yeux, c'est clair, tu vas te juger, parce que tu as vu avec tes yeux. Tu dois jeûner. Attends, pas... Alors, si tu n'as pas vu, ici, qui s'est confirmé par quelqu'un digne de confiance, on doit jeûner. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc on va voir, par conséquent, celui qui a vu le croissant de la lune de Ramadan commence le jeûne, et celui qui ne l'a pas vu, mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste, adl. Le adl, juste, c'est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés, qui évite les grands péchés, donc s'il ne fait pas la prière, il n'est pas juste, qui conserve la dignité de ses semblables, dont la croyance est saine et qui se maîtrise lors de la colère. Donc c'est parmi les conditions d'être juste. C'est pas quelqu'un qui mangeait sandwich dans la rue, avec la mayonnaise qui coule. Non, on n'a pas dit ça. Il a dit ça une fois dans un cours aussi. Pas, c'est pas comme... Par rapport à ses semblables, il tient le rôle de ses semblables. Oui, mais là, il y a des détails, je ne suis pas rentré dedans. Il y a des détails. Juste manger dans la rue, quelqu'un qui s'est éteint. Il a dit, c'est pas interdit, mais il a dit, si lui, il fait ça, c'est pas, il ne tient pas le rang de ses semblables. Oui, mais ça dépend ce qu'il fait. On ne rentre pas dans les détails comme ça, c'est précis, c'est plus précis que ça. T'en as les détails de ça, de... Donc, la dignité de ses semblables, dans l'islam, c'est précis, hein, c'est la jurisprudence, des fois c'est vaste sur certains sujets. Donc, alors, semblable, c'est par exemple, ça dépend, sa fonction à lui. Par exemple, c'est un juge. Avant, il y avait le juge musulman. Il a des certains critères, le juge, du rang. Ne veut pas dire c'est interdit, mais pour conserver la dignité de ses semblables, pour être dans ce critère-là de juste, il conserve certaines choses. Par exemple, ce qu'ils ont dit les savants, un juge musulman, il ne va pas manger dans la rue. Ce n'est pas haram, mais il ne va pas manger dans la rue, un juge musulman. D'accord ? Mais quelqu'un qui travaille dans le marché et qui mange dans le marché, on ne dit pas qu'il manque à la dignité de ses semblables. Parce que lui, il fait partie des marchands. Ce n'est pas comme juge. Juge, c'est certains ronds et vont dans le marché, c'est un autre rond. Et là, rond, plus entre guillemets, de social. Ça ne veut pas dire que s'il est juste, c'est forcément lui, il est plus pieux. Non. Il se peut qu'ils vont dans le marché et puis lui, il a un très haut rang de piété. D'accord ? De pratique. Donc, il faut pas... C'est pour ça que je ne suis pas rentré dedans parce que c'est des nuances, des subtilités à comprendre. Bien qu'avant, quand il mettait juge, généralement, il était un musulman de haut niveau dans la science, c'était grand savant, il le mettait juge. Mais il se peut qu'il y ait des juges qui n'étaient pas des bons pratiquants quand même. Parce que le prophète, il a dit « Qadin fil jannah ou qadiyani fil nar » C'est-à-dire, il a dit un juge au paradis, deux juges en enfer. C'est qui l'a dit ? Le hadith. Yani, beaucoup de gens, à cause du fait du statut de juge, il accepte de se faire acheter pour juger faux, etc. C'est pour ça, certains grands savants, comme Abu Hanifa, ils les forçaient à être juges, ils refusaient. Pour ne pas pencher à cause du pouvoir qui va insister pour qu'ils jugent dans le mauvais côté, etc. D'accord ? Donc ça, c'est un détail. Donc il ne faut pas se hâter dans ce détail-là. Donc, le fait de manger, c'est pas pour tout le monde ici. Ça dépend. Donc, il y a des détails, en tout cas. Ainsi, Abu Daoud a rapporté de Ibn Omar. Ibn Omar, c'est le fils d'Ibn Omar. Omar ibn al-Khattab. Le fils d'Ibn Omar, c'était un bon musulman. Alors, il a dit, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais vu le croissant, alors il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner. Ibn Hibban a donné à ce hadith le degré de sahih. Donc Abdullah ibn Omar, il a dit j'ai informé le prophète il a jeûné, il a ordonné aux gens. C'est là une preuve. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas vu, mais il y a un bon musulman, il rapporte. Omar, il est un bon musulman, le prophète il le sait. Il a accepté son témoignage, il a considéré qu'il peut, donc là il a ordonné aux gens de jeûner, donc ça devient obligatoire quand c'est un bon musulman qui témoigne, ou c'est toi qui as vu, tu dois jeûner même si tu n'es pas un bon musulman parce que tu as vu avec tes yeux. Donc voilà, Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui a été informé par un enfant ou par un grand pécheur, par une femme ou un esclave, disant qu'ils ont vu le croissant de lune du Ramadan, il lui est permis de jeûner s'il a confiance en eux. Sinon, il complète le compte de Charban à 30 jours. Donc, si c'est pas un musulman bon pratiquant qui a annoncé, si quelqu'un a confiance en lui, il peut commencer à jeûner. Sinon, c'est pas comme si c'est, quand c'est un bon musulman qui témoigne, là ça devient un devoir de jeûner. Quand c'est pas un bon musulman, on voit un bon pratiquant qui remplit les conditions de juste là. Là, tu peux suivre son avis si tu as confiance, ou sinon tu complètes à 30 si tu n'as pas vu. Ah, tu parles pour la fin du Ramadan? Non, pour la fin ou pour le début, c'est pareil. Ouais. Alors, lorsque le juge Qadi a confirmé le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants du pays proche du pays où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et du coucher du soleil, mais pas dans les pays qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et du coucher, ceci selon Ash-Shafi. Donc là aussi, il vient une question que beaucoup ils disent, ah pourquoi, je ne sais pas, le Maroc commence après nous, tel pays commence avant nous. Alors, il y a des détails selon les quatre écoles. Donc, les quatre écoles, quand on dit quatre écoles, c'est les grands savants. Ce n'est pas des gens qui jouent au billes, ce n'est pas un simple docteur qui passe sur une chaîne de parabolique, qui a reçu un chèque, qui répond selon le chèque. Non, ce n'est pas ça. C'est des gens modestes, des gens... Mel, qu'il a dit, j'ai donné le fatwa que 70. Il a dit, Mel, qu'il dit que j'ai donné le fatwa que 70 qui m'ont confirmé. Chef'i, il était pauvre, il prenait les cours, il ramassait les os des chameaux. Là, on égorge les chameaux, il allait ramasser les os, il nettoyait, il prenait des cours sur les os. Donc, c'était pas les gens qui ont les gros 4x4. C'est quoi Malik 70, j'ai pas compris. Il a dit, j'ai donné le fatwa que 70 avant qui m'ont confirmé. Ça veut dire quoi? Autorisé? Ouais, autorisé, c'est-à-dire... ouais, c'est ça, autorisé, comme il a dit. C'est-à-dire qu'il y a 70 avant qui l'ont autorisé à donner des fatwas. Ouais. 70. Pourquoi il dit que 70? C'est beaucoup, 70? Ah oui. Non, que, moi, il faut voir la traduction, il parle pas français, lui, mais j'ai dit... Voilà, j'ai traduit à peu près, quoi, vite. Mais lui, il a dit... Ma aftaytu hatta shahid Ali... C'est pas de donner des fatwas. Qu'après, je voulais dire, qu'après... En réalité, il a dit qu'après que 70, que peut-être c'est pas bien traduit, mais qu'après que 70, ils m'ont attesté. Attesté, voilà, c'est plus proche, c'est attesté. 70. Certains, ils ont 1000 enseignants. C'est pas, il a fait un examen vite fait dans une fac. Il dit, moi, je suis le grand moufti qui invente des lois halal, haram. T'es en Europe, ok, halal, haram. C'est comme le marchand, en fait. C'est là le problème. Donc c'est les grands savants. Et pourtant, Shafi'i disait, si ma parole contredit le hadith, alors rejette ma parole. Ils enseignaient à leurs élèves que si je dis une chose contraire, et même Shafi'i et ses élèves, ils ont contredit sur certains points qu'il a dit. Parce qu'il leur a dit, s'il y a le hadith confirmé sur le sujet, il faut suivre ce hadith-là. C'est comme ça l'habitude des grands savants, Abu Bakr, Omar. Omar, quand il s'est trompé, une femme l'a corrigé avec un verset. Il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. C'est ce qu'enseigne l'islam. Donc vous voyez comment l'état d'esprit, ce qu'enseigne l'islam. Modeste dans la vérité. C'est ça, modeste en suivant la religion, c'est ça. Ah. Abdel Qadir al-Jailani dit, si l'élève, il voit que le cheikh se trompe, il doit le corriger. S'il accepte, c'est bien. S'il accepte pas, il délaisse son enseignant et suit la religion. C'est ce qu'enseigne. Les grands enseignent comme ça. Ils disent à leurs élèves, si je me trompe, corrige-moi. Donc, c'est comme ça. Maintenant, beaucoup, c'est suivre le gourou. Il dit, le lait noir, tu dis le lait noir. C'est comme ça qu'ils enseignent beaucoup maintenant. Alors, les grands savants, ils disent, l'homme, c'est celui qui réunit les gens autour de l'obéissance à Dieu, c'est pas autour de sa personne. Voilà. Parce que le prophète, il l'a dit. Il a dit, kullukum yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghayra rasulillah. Chacun, on prend de sa parole et on délaisse sauf le prophète. C'est-à-dire, il y a le prophète qui ne se trompe pas dans la religion. les autres peuvent se tromper, même si c'est un grand compagnon. C'est Omar s'est trompé, le deuxième meilleur calife. Que veut dire les docteurs ou 100 fois docteur? C'est le deuxième meilleur calife, deuxième meilleur compagnon. Il annonce qu'il va au paradis. Le prophète l'a lui a enseigné qu'il peut avoir ce niveau-là maintenant. Si lui se trompe, alors que dire les autres? C'est là le problème de beaucoup de gens. C'est suivre les gens comme ça aveuglément. Parce que juste un homme politique, connu, il a applaudi par-ci, par-là, ou il a dit quelques mots, ça y est, pour eux, on dirait qu'il a reçu la révélation. Là, c'est le grand problème. Donc, alors, chez Chef, il dit, on prend en compte que les régions proches. Les autres qu'ils n'ont pas vu, ils ne suivent pas, ils attendent. Les régions loin, ils ne suivent pas les autres régions loin, chez Chef. C'est pour ça, selon cet avis, certains ils peuvent commencer, d'autres ils n'ont pas vu. Donc c'est valable selon cette voie-là. Chef, il n'a pas inventé comme ça. Selon Abu Hanifa, donc nous on fait selon Abu Hanifa, donc Abu Hanifa. Selon Abu Hanifa, c'est confirmé, même si c'est très très loin, tu suis. Du moment que c'est confirmé par des musulmans dignes de confiance, tu suis. Bon, beaucoup de gens ils suivent Abu Hanifa sur beaucoup de sujets, c'est le premier des quatre écoles. Donc nous on suit Abu Hanifa sur ça, donc des gens même dans des régions éloignées ils ont vu, ben, ils nous confirment, et nous, des gens dignes de confiance, bien sûr qu'on connaît, et nous on suit. D'accord ? Donc la divergence c'est permis dans la religion quand ça émane de gens de ce niveau-là. C'est le niveau qu'on appelle mujtahid. C'est le plus haut niveau. D'accord ? Mujtahid, c'est le plus haut niveau. C'est pas divergence de simples musulmans. Même s'il connaît tout le Coran par cœur, même s'il connaît 10 livres de hadith par cœur, il ne devient pas mujtahid. Il y a d'autres conditions. Déjà, première condition, c'est qu'ils ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. C'est pas juste il a bouquiné des livres. Il a une chaîne ininterrompue jusqu'au prophète. Alayhi salatu wa salam. Donc, tandis que selon Abu Hanifa, il est un devoir de jeûner pour les habitants de tout pays ayant appris la confirmation du jeûne dans n'importe quel autre pays. Quel qu'en soit l'éloignement du pays où a été confirmée l'observation du croissant. Pays ici, c'est plus région, il faut traduire. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême Occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient et de même dans le cas contraire. Donc si les gens ils ont suivi la vie de chef et ils ont dans une région ils ont commencé parce qu'ils ont vu, les autres régions ils n'ont pas commencé parce qu'ils n'ont pas vu, ça reste valable. Alors, en Indonésie, ben, c'est des chefs en Indonésie, c'est 200 millions. Et ils ont observé et puis ils n'ont pas vu. Ils attendent. Et je sais pas, au Maroc, et ils ont observé, ils ont vu, ils commencent. C'est valable. Est-ce que c'est clair? Donc, l'obligation du jeûne sont au nombre de deux. Donc, l'intention et l'abstention. Il faut l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man lam yubayyit an-niyyata qabla al-fajr fala siyama lah. Celui qui ne met pas l'intention avant l'aube, son jeûne il n'est pas valable. Il faut avant l'aube l'intention. Alors là aussi il y a une divergence. C'est il y en a comme chef, il exige tous les jours. Il a une preuve, il dit parce que chaque jour il c'est à part. Comme chaque prière c'est à part. Quand tu fais Dhuhr Salam, tu as fini une prière. Et il dit, quand tu rompes le jeûne, tu as fini une journée. Chaque jour, c'est à part. Il compte. Donc, il faut avoir une intention pour chaque jour. Mais les qui l'on voit autrement, donc avec des preuves à lui, hein, donc nous, c'est pas, on n'est pas des savants, il dit que c'est un tout quand même, tu peux faire l'intention au début de jeûner les 30 jours de Ramadan. Donc nous, bah, on fait les deux intentions. Première nuit, on fait pour tout le mois et pour chaque jour, on répète. Par contre, si la femme elle sait qu'elle va avoir ses règles dans les 30 jours, elle ne met pas l'intention pour 30 jours. Enfin, il y a des détails. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails. La religion, c'est petit à petit. Donc il y a des détails. Si il y a la vie, elle peut mettre l'intention. Et puis quand ça interrompt, c'est interrompu. Parce que des fois, elle peut ne pas avoir des règles du tout dans le mois. Ça arrive. Il y en a, ça s'arrête même une année et ça revient. Tu sais pas, ça arrivait déjà des choses comme ça. Ça peut s'arrêter une longue période et ça revient, les menstrues. Donc ça, il y a des détails. Donc, l'intention, c'est dans le cœur. C'est pas une condition de dire une phrase. C'est depuis le coucher, c'est-à-dire même le soleil s'est couché, il n'a pas encore rompu, mais il peut commencer à mettre l'intention pour le jour d'après. Donc, ça reste valable. Donc, l'intention, il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c'est-à-dire de faire l'intervenir de nuit avant l'eau pour chaque jour de Ramadan. Avec le cœur, on fait de même s'il s'agit d'un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s'est couché et que le jeûneur fait l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, avant de faire ce qui rend le jeûne, il n'a pas mangé encore, donc il n'a pas à refaire cette intention. Donc c'est suffisant. Mais s'il refait, donc il n'y a pas de souci. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s'agit, comme de préciser qu'il s'agit de jeûne de jour de Ramadan. Parce qu'il y a, il y a des jeûnes pour le vœu. Il a fait un vœu. Par exemple, il dit, si mon fils est guéri, je fais le vœu de jeûner 5 jours. Ça devient obligatoire. Là, il dit, je fais en dehors de Ramadan, par exemple. Donc, il faut préciser. Il dit, il met l'intention de jeûner, l'obligation de lendemain comme obligation de Ramadan de cette année, dans son cœur. Par contre, est-ce qu'on met l'intention de jeûner 30 jours, même, c'est quand même valable, même s'il n'y a que 29 jours? Oui. Oui, on peut mettre, selon Melk, de dire, j'ai l'intention de jeûner 30 jours du mois de Ramadan de cette année. Obligatoire de cette année. Cette année. Même s'il s'avère au final que c'est 29. Okay. Non, ça, c'est valable. Donc, nous, on fait comme Melk et puis on répète. Tous les soirs. La règle générale, c'est toujours de suivre la ville majoritaire, en fait, des 4 écoles. Mais c'est valable de suivre un seul avis. Mais le mieux, c'est de suivre l'avis majoritaire, d'être en accord avec le plus de savants des 4 écoles. De plus, il est un devoir de faire l'intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l'intention au début du mois pour tout le mois selon Shafi. Selon Melk, oui. Les savants ont dit l'intention complète durant le mois de Ramadan et de dire « J'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala. » نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Chez certains savants, il suffit de faire l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. Ça a été confirmé et tu fais pour tout le mois. On dit avec son cœur, j'ai l'intention de jeûner 30 jours au titre de l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala. Il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les louchies et dont l'écoulement a cessé la veille du jeûne de faire l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n'a pas fait le ghusl, la grande ablution.